qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Et je vous tuerai. Et je vous tuerai. Et je vous tuerai. Et je vous tuerai. Et elles feront